Selon la radio MBC de Corée du Sud, en date du 13 mai, le Comité des Nations Unies contre la torture a rejeté l'accord entre la Corée du Sud et le Japon sur les victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise. Le comité a estimé insuffisant le contenu de l'accord, notamment en ce qui concerne les compensations, la réhabilitation des victimes, l'éclaircissement de la vérité et la promesse contre la récidive. Il a exigé de réviser le contenu pour les compensations et la réhabilitation.